C'était un jour d'automne, un beau matin de septembre. En 65, le monde restait à apprendre. À Saint-Martial, sous le regard des parents, Irénée et Bernadette veillaient sur leur enfant. Puis à Saint-Porquier, du côté des avoines, les rires avec Gilles et Didier, loin du patrimoine. Trois frères, une équipe au milieu des vergers. C'est là que les premiers souvenirs se sont forgés. Oh Jean-Claude, de la terre à la ville, un parcours tracé, un destin tranquille. De la Bastide à Paris, le cœur en bandoulière, tu as construit ta vie. Entre les câbles et les lignes, un métier de passion. Chez France Télécom, puis Orange, ta maison. Oh Jean-Claude, de la terre à la ville, un parcours tracé, un destin tranquille. De la Bastide à Paris, le cœur en bandoulière, tu as construit ta vie. Le temps a passé, les enfants ont grandi, mais la nostalgie du Sud n'est jamais finie. Alors on range les dossiers, on quitte les bureaux, on laisse derrière soi le bitume et le métro, pour retrouver le soleil là où tout est plus clair. Entouré des siens, de tendresse et d'amour. Salut Jean-Claude.